Si tu changes ta vie, je t'attends ici. Moi, j'ai pas d'alliance. Viens tenter ta chance. Si t'as besoin, je suis là. Fais-moi juste un signe. Si tu sais plus où tu vas ou si tu déprimes, si tu te sens seul quand les arbres perdent leurs feuilles, toujours pas d'alliance, viens tenter ta chance. Je ferai tout ce que je peux, je ferai tout ce que j'ai contre ta règle du jeu pour un seul essai. Viens tenter ta chance, viens tenter ta chance. Un peu mieux. Et tu sais qu'en moi, j'attends tellement de toi. Quand je rêve, je suis dans tes bras. C'est magique. Tu rêves de passer ton tour, trotteur d'une histoire d'amour. Et tu sais déjà, je te lâcherai pas. Si tu changes ta vie, je t'attends ici. Moi j'ai pas d'amour. Je t'aime depuis qu'on s'est vu, et tu sais déjà.